Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la peur. Publish or perish. Mobbing, ranking et omerta. Ma carrière allait de toute façon être bousillée si je disais quoi que ce soit. Une unie, désunie. Et au moment où j'ai eu un entretien, on m'a demandé quelles étaient mes recherches. C'est une guerre aimable. Un des deux qui m'a dit ce que vous faites, c'est de la merde. Donc tout le monde sait qu'on doit travailler à plein temps, mais tout le monde ne paye pas ses employés à plein temps. Le peuple lettré est dominé par l'envie. Vous ne pouvez pas prétendre à un projet de ce type parce que vous n'avez pas assez de publications. Parce qu'en même temps, ben, si on dénonçait, c'était tellement facile de se faire gicler, donc on accepte énormément de choses. On a énormément de cas qui passent sous le radar parce que ça arrange aussi les institutions d'avoir un radar peu performant. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Françoise Vaquet, je suis historienne de formation, mais je m'intéresse aussi à des questions d'anthropologie, d'ethnologie. Je suis directrice de recherche au CNRS et mes travaux portent principalement sur le monde savant, un monde que j'ai essayé d'étudier dans des dimensions qui peut-être n'avaient pas été les plus fréquemment visitées par les historiens, c'est-à-dire un monde de la parole, un monde du lien social, du lien entre le maître et le disciple, par exemple, un monde aussi vu dans sa dimension matérielle, les objets, les instruments qui sont maniés par le chercheur et la façon dont eux-mêmes les manient, perçoivent leur maniement. Et tout récemment, j'ai essayé d'étudier la dimension émotionnelle qui est aussi celle du chercheur, de l'universitaire, un travailleur dans son travail, dans le travail qui se fait, celui que les publications, par exemple, ne montrent pas toujours. Comment en venez-vous, Françoise Vaquet, à chercher à étudier et à étudier cette part, vous le conviendrez, relativement invisible de la recherche ? Cette part relativement invisible m'est apparue au fil de mes recherches antérieures que j'ai évoquées. Elle m'est apparue de façon évidente. L'émotion, je dois dire, au bout d'un moment, elle crève les yeux. Et cette émotion, on la voit tout le long du travail tel qu'il se fait. Et là, simplement, il faut déplacer le point de vue, ne pas s'arrêter à la science faite, la science des publications, des livres, des articles, mais voir ce qu'il y a en aval de ce travail publié, c'est-à-dire ben, les liens entre les personnes, comment on rentre dans l'université, comment on fait sa carrière, comment on choisit un sujet de recherche, comment on le traite et aussi comment on le publie, parce qu'il y a là aussi, il y a d'autres interlocuteurs qui vont rentrer en jeu, qui sont des interlocuteurs un peu extérieurs au monde de la recherche, des directeurs de revues, des éditeurs. Mais vous imaginez bien que tout le monde, en vous entendant, doit se poser la même question. Il y a des petits papiers, il y a des petits cailloux façon le petit poussé qui sont semés dans la vie des différents chercheurs et qui vont vous permettre de suivre ces jalonnements-là, ou bien on navigue dans quelque chose qui est quasiment, enfin, océanique. Je dirais qu'on navigue dans quelque chose qui est océanique, comme vous le dites, mais il y a plein de petits cailloux, pour reprendre votre expression, et je dirais même de gros rochers, en quelque sorte. Par exemple, il y a tout le massif, j'ose dire, biographique, autobiographique. Ce peut être des autobiographies en forme, des biographies où l'on trouve des traits émotionnels, des correspondances, mais aussi, par exemple, à l'heure actuelle, ces multiples entretiens où des chercheurs livrent leurs impressions de recherche, et cela, il n'en manque pas. Ce peut être aussi des enquêtes qui sont faites sur le monde de la recherche, parfois pour des sujets autres, mais où, au détour d'une phrase, au détour d'une conversation, apparaissent des éléments émotionnels. Et je pense que mon livre en est un peu la preuve que les documents ne manquent pas. Une histoire émotionnelle du savoir. Oui. Quel éditeur L'éditeur sont les éditions du CNRS. Et quelle réception ? Parce que Oserais-je dire, Françoise Vaquet, quand je vous ai entendu parler de votre ouvrage la première fois dans une toute autre émission, j'avais trouvé déjà l'objet absolument passionnant et formidable, sans l'avoir encore ouvert, mais ce que ça offrait comme perspective, précisément dans votre milieu à vous, le milieu de la recherche, oui, vos collègues et tout ça, est-ce qu'ils prennent ça comme une sorte de voile indiscret qui est impudiquement relevé, ou au contraire, enfin quelqu'un qui parle pour nos silences, pour nos mutismes, pour ce que nous ravalons, ou peut-être les deux, me direz-vous? Je pense que c'est un petit peu les deux. Je pense aussi qu'il y a un peu un effet de surprise. D'abord, pourquoi s'intéresser à ça? Et cela rejoint aussi la question que vous m'avez initialement posée, mais comment peut-on s'intéresser à ça? Puisque, si vous voulez, dans les publications, justement, ces aspects émotionnels sont complètement gommés. Le chercheur doit paraître comme une sorte de neutre, un être purement objectif et ravaler sa subjectivité. Donc, comment on peut faire pour trouver cela? Mais cela se trouve, je dois dire, très facilement, et on se rend compte, quand on lit des documents, que, enfin, moi c'est ce qui m'est apparu, qu'on est face à un déluge émotionnel, et que ce déluge émotionnel, on le trouve à tous les moments de vie-travail, pas simplement, par exemple, au moment des candidatures, qui sont quand même des moments de forte émotion, ou au moment de la publication, qui peut être aussi un moment de fois d'espérance et de crainte et d'enthousiasme aussi, ou au contraire de ressentiment, de rancœur, on le trouve toujours. Et ce qui m'a aussi été très frappant dans ma recherche, c'est que je trouve toutes les émotions. Et toutes des émotions négatives, des émotions positives, de la tristesse, de la rancœur, du ressentiment, de la colère, mais aussi de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme, et aussi avec la description des manifestations physiques, il y a des larmes, il y a des rires, et des gradations, bien sûr, diverses. Des somatisations parfois plus importantes. Probablement. Mais j'en reviens à ma question, comment le monde de la recherche, tout au moins une partie du monde de la recherche, déjà auprès de ceux que vous connaissez, a réagi à votre ouvrage? Alors, c'est très difficile à faire. Il faudrait peut-être que je fasse une enquête auprès de collègues. Mais certains comptes rendus de mon ouvrage qui ont été écrits par des collègues étaient tout à fait favorables sur, cette objectivation, en quelque sorte, de ce qui, normalement, va sans dire. Et d'autant que notre monde passe normalement pour un peu une culture sans émotion. Alors, évidemment, on va essayer de comprendre avec vous comment et pourquoi on en est arrivé là, selon la formule consacrée d'aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce qu'on en est arrivé là, ou est-ce que ça a existé de toujours, dit d'une autre manière? Est-ce que cette anesthésie de l'émotion dans l'environnement du savoir, elle est intemporelle, elle est tout temps, ou bien elle est apparue, et si elle est apparue, expliquez-nous un peu cette apparition. Alors, sans remonter au calende grec, tout modestement, dans la deuxième moitié du 19e siècle, est arrivé dans le monde savant, s'est répandu dans le monde savant, dans le monde des sciences dures, comme dans le monde des sciences que nous appelons les sciences molles, c'est-à-dire sciences humaines et sciences sociales qui commençaient alors, est apparue l'idée d'une objectivité. C'est-à-dire que le chercheur devrait se présenter comme un être sans passion, ou plus exactement, il devrait, dans son écriture, dans ses publications, contrôler ses passions. Et cela se voit dans les sciences dures, comme dans les autres, en histoire, en sociologie, et après en ethnologie, etc. Donc, s'est instaurée une sorte de discipline de métier qui fait que le chercheur doit, dans ses publications, s'exprimer d'une certaine façon, montrer qu'il n'est pas, un être subjectif, un être de passion. Et sa voix va apparaître, comme le dit un chercheur américain, doit apparaître comme une voix impersonnelle et inhumaine. Si je le dis avec des mots forcément trop simples, est-ce qu'on doit traduire ça, François Vaquet, par « dès lors qu'il y a eu spécialisation, la spécialisation a entraîné une sorte de d'extraction de ce qui était la gangue unique, on était dans un humanisme, pour le dire de manière sans doute un petit peu raccourcie, et dès lors que cette bulle humaniste a éclaté, les spécialisations, les spécialistes se sont refroidis, si j'ose dire, ou ont voulu marquer leur territoire. Oui, mais peut-être plus que cela, à mon sens, a joué ce qu'on appelle la professionnalisation. Et la professionnalisation qui, par exemple, dans les sciences humaines et sociales, et là c'est très net, se marque en opposition avec des métiers comme le journalisme ou la littérature. L'histoire, par exemple, telle qu'elle se constitue à la fin du 19e siècle en une science historique, s'oppose au récit du journaliste ou du littéraire. Il fallait avoir un style scientifique, il fallait abstraire, comme on dira, abstraire sa personnalité, mettre sa personnalité sous silence. Et le mot, s'il y a un mot qui va s'imposer, c'est le mot méthode. Il faut avoir une méthode, apprendre à avoir une méthode qui implique un certain langage, un langage qui va être calqué sur celui, et c'est très net, des sciences naturelles. On a une période précise où cette chose-là bascule. Oui, oui, c'est très net. À la fin du 19e siècle, il y a un certain nombre de textes, en particulier dans les sciences humaines et sociales. Hein. Les sciences humaines en France, bien sûr, c'est l'introduction aux études historiques de l'anglo à Essaignes-Bosse, c'est en 1898, et en sociologie, c'est Durkheim, la méthode sociologique. Et les deux mots, c'est la méthode, avoir une méthode et se distinguer de ce que fera l'amateur, le non-spécialiste. Ce qui se passe alors en France, ou peut-être plus largement en territoire francophone, est-ce qu'il s'observe à votre connaissance, Françoise Vaquet, dans le monde anglophone, germanophone ou italophone? Oui, en Allemagne, n'en parlons pas. C'est toute l'histoire avec, après Ranke, finalement, le grand maître des études historiques, et les mots d'objectivité sont bien liés à cette méthode historique. Et alors, dans le monde des sciences dures, va se mettre en place, progressivement, même un format d'écriture qui va se répandre un peu plus tard. Mais à partir des années, disons, d'après-guerre, hein, tous les scientifiques, par le monde entier, écrivent leurs articles de la même façon, avec un plan en 5 parties, une écriture totalement impersonnel, on ne dit pas « je », la science se fait d'elle-même, on écrit à la voix passive, et tout est absolument codifié, et cette codification est de plus en plus forte maintenant. C'est assez frappant si vous regardez... Quand vous dites maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si vous regardez aujourd'hui les instructions aux auteurs des revues scientifiques, vous voyez que tout est absolument codifié, y compris les titres, les intertitres, tout est codifié. Infotrafic RTS. La vigilance reste de mise sur l'autoroute Genève-Lausanne. On signale des objets sur la chaussée entre le pont sur l'Aversois et Coppet en direction de Lausanne. Et dans le canton de Neuchâtel, la route cantonale entre la Grande Joue et le quartier est à nouveau ouverte dans les deux sens. Françoise Vaquet, je vais vous lire quelques lignes de votre ouvrage, si vous voulez bien. Les chercheurs, à l'instar de tous ceux qui font l'objet de la sociologie du travail, ne sont pas des robots. Dans leur activité, la production de biens intellectuels, ils éprouvent aussi une large gamme d'émotions, d'autant que la recherche, la science se faisant, ne marche pas comme une horloge, ni comme le récit lisse et ordonné des articles et des livres. Par ailleurs, part non négligeable de l'activité, procède une connaissance par corps. Les sens sont des instruments d'appréhension des réalités étudiées, voire de véritables outils intellectuels. Leur usage ne va pas sans tension, fatigue, mobilisation des affects. De surcroît, le chercheur n'est pas un être séparé, comme le suggérerait son seul nom en tête d'une publication. Il est en relation avec ses semblables, les voit, leur parle, travaille à leur côté, et dans certains domaines plus que dans d'autres, avec eux, dans une équipe ou un programme de recherche. Autant d'interactions qui, sur le théâtre quotidien de la science, peuvent, dans le face-à-face, porter à des réactions épidermiques. Enfin, que le chercheur travaille seul ou dans un collectif, il est soumis aux impératifs multiples du temps qui presse. qui manque. D'où de l'anxiété, celle de perdre du temps ou de ne pas l'utiliser au mieux, une anxiété qu'augmente encore la surcharge informationnelle dans laquelle il opère. Il me paraissait, Françoise Vaquet, important que les gens entendent votre prose, votre écriture, écriture témoignage de votre travail. Autrement dit, le chercheur ne laisse pas à la porte du laboratoire ou de la bibliothèque sa personnalité. Il l'embarque avec lui, bien évidemment, sauf qu'elle est dissimulée. Comment avez-vous travaillé? Êtes-vous passé par des entretiens concernant la partie la plus récente ou qu'est-ce que vous avez ouvert? Je voudrais d'abord, peut-être, si je peux me permettre, développer de façon concrète un des points de ces lignes que vous venez de lire. Et je prendrai l'exemple très concret du chercheur en bibliothèque. On pense là que le chercheur, bon, il est assis à sa table de travail, il lit ses livres, et vu de l'extérieur, cela paraît une vision tout à fait sereine, calme, tranquille. Eh bien, ça ne se passe pas du tout comme ça. D'abord, souvent, la longueur du temps de travail amène à une certaine fatigue, une certaine tension, d'autant que les conditions ne sont pas toujours optimales. Il peut y avoir du bruit qui gêne, du froid qui paralyse ou de la chaleur qui accable. Le goût de l'archive ne suffit pas lui non, seul. Non, le goût de l'archive ne suffit, il se mérite d'une certaine façon. Bon, il faut penser aussi que les chercheurs ont des habitudes de travail, des habitudes dans une bibliothèque. Et cela, ces habitudes paraissent normales, jusqu'au jour où ces habitudes cessent. Et cela s'est vu de façon macroscopique, et là il y avait un grand nombre de témoignages, quand à Paris, les chercheurs ont dû quitter la salle des imprimés, la salle, la brousse hein, de la Bibliothèque nationale rue de Richelieu, pour aller à la bibliothèque Tolbiac. Et quand nous sommes arrivés à Tolbiac, et là j'en faisais partie, eh bien, rien. Rien ne fonctionnait, on n'avait pas de livres, il fallait faire des marches et des contre-marches absolument interminables et épuisantes, et il y a eu des moments non seulement d'inquiétude, mais aussi pratiquement de révolte, de protestation extrêmement fort. Quand vous étiez en train de préparer votre travail et qui allait accoucher de Une histoire émotionnelle du savoir paru au CNRS édition, cet événement se passe pendant la rédaction de l'ouvrage ou la rédaction est postérieure? Oui, elle est largement postérieure. Mais elle a alimenté votre oui, ouvrage? Oui, elle a alimenté mon ouvrage parce que aussi à ce moment-là, j'avais énormément de documents. Il y a des chercheurs qui ont laissé des témoignages de leur premier temps dans cette bibliothèque. La revue qui s'appelle Le Débat a accueilli bon nombre de témoignages de chercheurs qui étaient des fidèles de la Bibliothèque nationale Richelieu, qui, comme des pionniers en quelque sorte, étaient allés à la nouvelle bibliothèque et livraient leurs impressions de recherche. Donc là, il y avait de très beaux témoignages. Il y avait aussi des témoignages dans les journaux, plus des lettres de protestation que de contentement, en quelque sorte. Mais il y avait énormément de témoignages. Et l'administration elle-même a répondu. Donc là, j'avais un ensemble de témoignages extrêmement importants que je pouvais contraster en plus avec ce qui se passait exactement dans les mêmes années à Londres, où la Bibliothèque nationale s'est transférée du British Museum à Saint-Pancras, traduisant plus ou moins les mêmes impressions qu'il peut y avoir quand on modifie des habitudes de travail. La seule différence, c'est que la nouvelle bibliothèque à Londres, à Saint-Pancras, a très bien marché dès le début. Dès le début? Oui, dès le début. Donc il n'y a pas eu ce problème qui a été rencontré en France. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Françoise Vaquet, et puis on se retrouvera demain pour poursuivre cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Eh bien non, d'ailleurs c'est pas moi qui vais le rappeler, c'est vous, puisque après tout vous en êtes l'auteur, donc faites votre promotion, le titre et l'éditeur. Alors le titre de l'ouvrage, c'est Une histoire émotionnelle du savoir, l'éditeur et les éditions du CNRS à Paris, et l'ouvrage a paru en 2019. Premier complément pour accompagner cet entretien avec Françoise Vaquet, quelques témoignages que vous entendrez tout au long de la semaine sur le sujet de l'émotion et d'une émotion particulière du côté des chercheurs, la peur. Changer de lieu de travail, s'habituer à une nouvelle bibliothèque pourra paraître pour beaucoup des plus dérisoires, mais peut-être qu'en approchant un peu plus le métier, on mesurera plus exactement les conséquences et les implications pour les personnes concernées. Pour s'en approcher, j'ai recueilli de façon anonyme les témoignages de quelques chercheurs au sein de leur activité actuelle ou parfois passée, car certains ont fini, après des années, par abandonner, épuisés, atteints au plus profond d'eux-mêmes par ce qu'ils avaient rencontré. Afin de protéger ces témoignages, nous avons choisi de les faire lire par des comédiens. Alors, sur la question de la peur, est-ce que vous avez des choses pour nous en magasin ? Ah, bah, des vieux souvenirs d'étudiants, évidemment. Si vous souhaitez un témoignage anonymisé, on peut évidemment envisager la chose avec plaisir. Au magasin, bien sûr, la peur de... c'est la Madeleine de Proust. Hein. Si j'avais pas... Bon, c'est personnel, hein, ce que je vous dis là. Si j'avais pas changé de branche après 2 ans à l'université, à la faculté des lettres, je serais pas devant vous aujourd'hui. Puisque j'ai eu la très mauvaise idée de prendre l'anglais, et puis le côté littéraire, je l'ai pas vu venir... J'ai pas voulu le voir venir, et donc du coup, et ben, après 2 ans, j'ai changé. Et j'ai pris la géographie, ce qui m'a apporté une couleur, un complément magnifique pour l'histoire. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais après 2 ans, changer pour revenir à la peur, justement, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va finir ? Il y a 2 ans de cours à rattraper, tu les as pas suivis. Tu dois faire ça à la maison ou à la bibliothèque. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'estime de soi. Est-ce qu'on a peur de la concurrence ? Ah, bien sûr, hein, bah oui. Oui. Enfin, peur, ça dépendra des individus. Mais je vous ai répondu, moi, de manière très spontanée et affirmative. Le champ universitaire, c'est un lieu... C'est le Far West ? Ah oui, bien sûr, absolument. Il n'y a pas de pitié entre collègues, c'est ça ? Non. Pour reprendre une formule d'une personne qui m'a beaucoup aidé, c'est une guerre aimable. Mais c'est une guerre. Dans tous les champs, hein, dans tous les champs scientifiques, c'est pas du tout propre à l'histoire. Hein. Ouais, j'imagine. Dans la recherche fondamentale, le milieu universitaire, là. Grand Dieu, ça va nous mener à Mathusalem, cette histoire-là. C'est un certain moment, je pense, quand vous vous positionnez pour savoir si oui ou non vous êtes papable. Et alors là, il n'y a aucune pitié. On est dans ce qu'on pourrait appeler le domaine du prestige. C'est un peu, pardonnez-moi cette image, mais comme avoir un premier rôle dans un film à Hollywood. Je pense qu'il y a d'accord. De ça, absolument. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a quelque chose qui... Enfin, mais là, vous ne parlez pas à un anarchiste, mais à quelqu'un qui n'est pas tellement dans le mot universitaire. Donc, par choix ou par caractère ? Ah, par caractère. Vous avez mauvais caractère ? Très mauvais caractère, oui. Pour plein de raisons personnelles, j'ai un très mauvais caractère. Du coup, je suis pas dans ce monde-là. Mmh. L'université, ça renforce le mauvais caractère ? Bon, bah, il faut être buté hein, pour réussir comme dans tous les domaines. Les sportifs d'élite, on fait rien sans volonté. Mais je pense que le mauvais caractère est peut-être une qualité. Après, il y a des paramètres sur lesquels on n'a pas du tout d'influence. Il faut être connecté aux bonnes personnes. Il faut être dans le bon trend historiographique. Et là, je ne parle que pour l'histoire. Voilà, ça sont des choses auxquelles on peut parfois passer à côté. Et du coup, ça oriente définitivement les carrières. Autre peur, l'accroissement de la bureaucratisation qui s'impose dans bien des métiers, est-ce que ça provoque une certaine forme de peur ? Peur de ne plus avoir le temps de penser, peur de ne plus avoir le temps, tout simplement ? Je suis pas dans le milieu universitaire au sens pur, strict du terme, donc je suis pas confronté, moi, à cet aspect-là des choses. Mais j'entends évidemment beaucoup parler hein, de la multiplication des formulaires, la bureaucratisation des métiers. C'est un frein peut-être à la liberté de recherche, hein, mais encore une fois, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative parce que je ne suis pas confronté à cet aspect-là des choses. Par contre, vous parliez de prestige avant. Mmh. Et ça, c'est un des aspects... Enfin, c'est une déviance à mon sens. Et je pense que je suis très minoritaire dans la, entre guillemets, la communauté scientifique. Mmh. Dans le sens où il y a une course à la concurrence. Vous voyez, la concurrence est alimentée par la course aux publications. Elle est alimentée par la course à ce qu'on appelle la course aux facteurs d'impact. Alors, impact factor. C'est une ânerie monumentale, à mon sens. Ce sont des algorithmes dont les mathématiciens et les scientifiques vous expliqueront les secrets en détail et qui, en gros, vous attribuent une note en fonction du nombre de clics que vous avez. Et c'est un des aspects qui pose le plus de problèmes puisque l'autocitation est prise en compte dans le calcul des impact factors. Donc les personnes qui ont le plus d'impact factors sont évidemment celles qui ont le plus d'attention de la part des autorités universitaires. C'est incroyable. Je suis en train de vous dépeindre un monde absolument catastrophique et je ne sais pas dans quelle mesure ben, ça vous surprend. Alors après c'est lié à l'octroi des bourses, des subsides. C'est pour ça que je vous disais que j'ai une position absolument minorisée, minoritaire, que je suis avec grand plaisir d'ailleurs, parce que à mon sens, c'est pas la bonne manière de faire dans la recherche durable. On parle beaucoup là, ces temps-ci de développement durable, hein. C'est un concept qui s'applique à trois dimensions, la dimension écologique, la dimension sociale, la dimension économique, et il faut faire de la recherche durable. Et moi, un chevaux de bataille, c'est notamment, c'est pour ça que je vous disais que toutes mes publications sont en libre accès, et ben voilà, c'est de donner la possibilité aux viennent ensuite, voilà, parce qu'il y aura des personnes qui vont dire je me suis complètement trompé. Ce qui est normal, ce qui est très bien. Ou il y a des personnes qui vont dire, ah ben là, il a eu plutôt une bonne intuition. Parce que c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Mais il faut donner la possibilité aux viennent ensuite hein, de remonter à la source. Et ça, j'en fais, mais enfin, il ne voyait pas de prétention, surtout de ma part. Mais vous voyez, surtout une manifestation de mon trait de caractère, une hygiène intellectuelle. C'est la meilleure chose pour un historien, vous savez, c'est d'être jugé post-mortem. C'est le premier temps de notre série consacrée à la peur, thème choisi qui s'inscrivait en regard du festival Histoire et Cité, organisé par la Maison de l'Histoire, Université de Genève, avant que ce festival ne soit annulé pour les raisons que l'on imagine. Demain, nous reviendrons sur ce thème, si collectif et tellement d'actualité, en retrouvant la chercheuse Françoise Vaquet, autour d'une histoire émotionnelle du savoir chez CNRS Éditions, ainsi que d'autres témoignages anonymes. Les comédiens étaient aujourd'hui Philippe Hérisson, Gilles Tessier. Le tout est mis en onde par Jean-Philippe Svalen. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. En collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.